إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc les frères, on va continuer, inshallah, sur l'explication de la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd, rahimahullahu ta'ala, en demandant à Allah Jalla wa Ala qui nous facilite la compréhension de notre religion et qui fasse que ses paroles soient bénéfiques et bénites et qu'elles soient inscrites dans nos registres de bonnes actions yawm al-qiyama. Donc on va continuer directement sur où on s'est arrêté au dernier cours, hein, le cours d'hier. Et on s'est arrêté lorsqu'on parlait de l'histoire de Moussa, alayhi salam, qissat Moussa, lorsque Moussa est parti chercher, si vous voulez, les tablettes. Les tablettes, c'est-à-dire les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu, donc, on avait appris que Allah jalla wa ala ensuite s'est adressé à Moussa et a parlé à Moussa, comme Allah jalla wa ala nous dit dans le Coran. Et on avait pris l'explication du commentateur, qui est Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, lorsqu'il a relaté certains faits. On avait passé une page où il y avait des éléments importants. On avait lu hier la page 54, hein, selon l'édition. Hein. Je pense que vous suivez comme moi. On avait la page 54. Et on avait omis de lire certains points qu'il y avait dans la page 53. Des points importants qu'il y avait dans la page 53. Justement par rapport à l'histoire de Moussa. Donc, Cheikh Al-Fawzan, à vous c'est 42, ça dépend donc de l'édition. Moi par rapport à l'édition que j'ai, par rapport à mon livre, je suis à la page 53, El Muhim. Donc c'est juste la page d'avant. Juste il y a certains points qui sont importants, puisque Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il évoque l'histoire de Moussa alayhi salam, il va faire allusion à certains faits importants. Par exemple, ici il va mentionner des versets concernant l'histoire de Moussa alayhi salam, et il va mentionner lorsque Moussa va réprimander son frère Haroun, et cet homme qui s'appelait As-Samiri. Et hier donc on avait parlé de l'histoire de Moussa, et on avait surtout évoqué le moment où Allah Jalla wa Ala s'est adressé à Moussa, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on était sur le sujet du fait que Allah Jalla wa Ala a l'attribut, on affirme l'attribut de la parole. Et à savoir dans l'histoire de Moussa, donc vous connaissez tous, hein, Moussa, alayhi salam, était avec les enfants d'Israël, Banu Israël. Et Banu Israël, c'est du fait que ils sont les descendants de Ya'qub. Et comme vous savez, Ya'qub, c'était le père de Youssouf. Et Ya'qub avait un surnom qui était Israël. Beaucoup de savants disent que Israël, c'est dans le sens de Abdullah. Donc, Ya'qub, qui avait son fils Youssouf et ses autres enfants. La descendance de Ya'qub se nommera Banu Israël, du fait que son surnom à Ya'qub était Israël. Taïb. Ce qu'on voit, on voit que cet événement, l'histoire de Moussa, se passe en Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon était en Égypte. Et comment se fait-il donc qu'il y avait Banu Israël en Égypte? C'est du fait que vous connaissez l'histoire, il faut remonter à l'histoire de Youssouf. À la base, Youssouf était avec sa famille, donc Ya'qub, et ses frères, c'était en Palestine. Et lorsqu'ensuite ses frères ont comploté et l'ont jeté, on le fait très brièvement et très rapidement, hein, l'ont jeté dans le puits. Ensuite, il a été recueilli et emmené, vous avez vu, hein, par cet homme qui l'a emmené ensuite en Égypte. Et plus tard, ensuite, lorsque, avec l'histoire de Youssouf, hein, Youssouf aura un rang en Égypte et Allah Jalla wa Ala va l'élever et lui donner des fonctions, et bien ensuite, sa famille le rejoindra et s'installera en Égypte. De là, et ben, Banu Israël va commencer à se propager en Égypte, jusqu'à plus tard l'époque de Moussa alayhi salam. Et vous connaissez Moussa Anaki, à l'époque où il y avait Pharaon, Pharaon qui craignait pour son royaume du fait qu'il avait vu en songe, en rêve, et c'est le fait qu'il perdrait son royaume et sa royauté à cause d'un homme de Banu Israël, de Bani Israël. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait à son époque? C'est célèbre, hein, lorsqu'il a commencé à faire ce génocide célèbre de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons, à leur tendre âge, hein, de les tuer tous. Pourquoi? De peur que l'un d'entre eux sera la cause de la perte et de la chute de son royaume. Et c'est à cette époque que naquit Moussa alayhi salam. Donc on ne va pas revenir sur l'histoire en détail, mais c'est important de recontextualiser l'histoire. Et ensuite, plus tard, donc il va avoir des étapes, hein, et des épisodes dans l'histoire de Moussa. Il sera obligé de lorsqu'il va grandir, il sera obligé de s'exiler. Pourquoi? Parce que Pharaon et ses soldats seront à ses trousses. Ensuite, il va revenir. Il y aura l'épisode ensuite où il va défier les sorciers. Il y aura le défi des sorciers. Et là, lorsque... Et c'est pour ça même Ibn Abbas dit par rapport à une faïda par rapport aux sorciers. Le matin, ils étaient incrédules, sorciers et min ahl al-kufr, parmi les gens de l'incrédulité, de la mécréance, et sont devenus le soir des croyants, wa shuhada, et des martyrs. Du fait que lorsque Moussa les a défiés, ils ont lancé leur bâton, mais lorsque Moussa a lancé son bâton, il a mangé les serpents de ses sorciers. Ensuite, ils vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Le muhim, on avance, et c'est là qu'ensuite Moussa sera, persécuté par Pharaon, et il sera à les trousses de Moussa, c'est-à-dire Pharaon sera sur les trousses de Moussa et de son peuple Banu Israël. Et là, il y aura l'épisode ensuite lorsqu'ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala va sauver Moussa et Banu Israël et son peuple. Et vous connaissez l'épisode lorsque Allah Jalla wa Ala va fendre la mer en deux. Et la mer va s'ouvrir en deux. Lorsqu'ils seront à proximité de la mer, ils vont fuir alors que Pharaon et ses soldats seront aux trousses de Moussa et de son peuple. Alors là, Moussa va taper de son bâton et Allah Jalla wa Ala va faire que la mer va se fendre en deux et ils pourront passer. Certains commentateurs, historiens disent qu'ensuite il y a eu 12 chemins pour les 12 tribus de Banu Israël. Lorsqu'ensuite ils furent sauvés, c'est là qu'il faut comprendre, lorsqu'ils furent sauvés ensuite, plus tard, donc il y a eu des étapes et des épisodes, et c'est là que Moussa ensuite va laisser Banu Israël. Il va leur dire qu'il va rejoindre son Seigneur, c'est-à-dire pour écouter sa parole et aller chercher les tablettes. Donc il va les laisser. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il va les laisser, et il va aller justement en ce lieu dont il a l'ordre d'y aller pour qu'Allah Jalla wa Ala lui parle, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va les laisser, les historiens, il nous a rapporté qu'il est resté 40 jours. Donc il s'absentait 40 jours. Il est rapporté que pendant 40 jours consécutifs, il a jeûné. Il a jeûné, il n'a pas mangé pendant 40 jours consécutifs en attendant justement la rencontre de son Seigneur. Et là, on arrive au passage donc que nous a mentionné Cheikh Al-Fawzan hier lorsqu'il a relaté les versets et l'histoire donc qu'on a raconté justement hier. Lorsque ensuite Allah Jalla wa Ala dit falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, et lorsqu'ensuite Allah Jalla wa Ala s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté, et c'est de là qu'ensuite Allah Jalla wa Ala s'adressa à Moussa pendant son absence de 40 jours. C'est là qu'il y a eu un événement, on va dire, important et gravissime en même temps. Un événement important et gravissime. Regardez, juste pendant son absence de 40 jours, alors qu'il a laissé derrière lui son peuple, Banu Israël, et il avait mis son frère Haroun pour le remplacer, c'est-à-dire pour diriger Banu Israël pendant son absence. Et de là, il y a cet homme que va mentionner ici, Cheikh Al-Fawzan, As-Samiri. Et As-Samiri est mentionné aussi dans le Coran. As-Samiri, c'est lui qui va façonner ce veau d'or. C'est lui qui va façonner le veau d'or qui sera adoré, qui sera pris comme divinité. Et l'histoire du veau d'or, très brièvement, c'est qu'il est rapporté que lorsque Banu Israël, alors ils ont fui, et il y avait à leur trousse Pharaon et ses soldats, Banu Israël, dans les variantes, ils rapportent, hein, ils ont justifié cela du fait qu'ils avaient emprunté de l'or aux Égyptiens. Ils avaient emprunté de l'or aux Égyptiens, mais comme ils ont été engloutis avec Pharaon, donc ensuite, lorsqu'ils ont été sauvés, lorsqu'Allah Jalla wa Ala les a sauvés, eh ben, ils avaient cet or avec eux. Donc ensuite, ils ne savaient que faire de cet or. Donc, ils ont tout réuni cet or. Et de là, il est rapporté que dans une sorte de grand et profond trou, ils ont jeté tout cet or. Et c'est là que Saint-Méry leur dit qu'il va façonner, bon, ben, il ne va pas leur dire, mais il va justement avec tout cet or qui sera amassé et réuni, c'est là qu'il va le faire le veau d'or. Le veau d'or. Certains commentateurs historiens disent que Saint-Méry avait vu Jibril alayhi salam. C'est-à-dire que lorsque Jibril est venu justement, lorsqu'Allah Jalla wa Ala a sauvé Moussa et son peuple, min bani Israël, lorsqu'il les a sauvés, eh bien il y avait Jibril alayhi salam qui était sur sa monture, sur son cheval. Et il est rapporté que partout, tous les endroits où passait Jibril avec son cheval, eh ben, alors que la terre était aride et non fertile, eh ben, la terre devenait fertile. C'est-à-dire que toutes les terres dont chevauchait le cheval, la monture de Jibril, elle devenait fertile. Alors qu'elle était aride et non fertile, eh ben, lorsqu'il chevauchait la terre, cette terre-là devenait vivante, fertile, et il y avait de la verdure. Et il est rapporté, certains historiens, commentateurs rapportent que cet homme de Banu Israël avait vu cela, il avait pris une poignée. Il avait pris une poignée, et c'est de cette poignée ensuite qu'il va jeter sur cet or amassé. Sur l'or qu'ils vont réunir, il va jeter de cette poignée-là, selon certaines versions qui sont rapportées, et de là il va façonner le veau d'or. Et il est rapporté qu'il va avoir dans le veau d'or une sorte d'ouverture à l'extrémité devant cette ouverture qui va relier l'arrière du veau. Du fait que lorsqu'il y aura du vent, eh ben ça va faire une sorte de son bizarre et étrange. Et les gens penseront qu'il a parlé le veau. Et de là, c'est là que cet homme, Saint-Méry, leur dit, lorsque le veau a été façonné en or, leur dit, voici votre divinité, voici votre Seigneur. Alors que Moussa alayhi salam, lui est parti à la rencontre de son Seigneur. Saint-Méry leur a dit, Moussa l'a oublié. Moussa a oublié son Seigneur. Lorsque Moussa alayhi salam, il les a laissés, pendant une durée de 40 jours, il est parti rencontrer son Seigneur. Et bien, lui, Saint-Méry, a prétendu que Moussa avait oublié son Seigneur. Comme c'est mentionné dans le verset. Hada ilahunkum wa ilahu Moussa fanasiya. Vous avez vu le verset? Dans Surat Taha, le verset 88. Allah Jalla wa Ala dit à ce sujet: Hada ilahukum wa ilahu Moussa fanasiya. Fanasiya, yani Moussa, il a oublié son Seigneur. Fa qala ash-shaykh ha huna Moussa nasiya wa dhahaba yabhath عن ربه وهو معكم قال الله جل وعلا ردا عليهم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Ensuite Allah جل وعلا les réfuta en disant أفلا يرون, est-ce qu'ils ne voient pas qu'il n'est pas revenu vers eux. Qawlan, une parole, wala yamliku lahum darran wala naf'a. Et que cette divinité ne possède ni profit ni nuisance. Avant, ni nuisance et ni profit. Et de là, falladhi la yatakallam. Et c'est là qu'il y a un moment important. Donc là, maintenant, on a parlé un peu de l'histoire de Moussa alayhi salam, pour bien qu'on comprenne ensuite. Donc, Moussa. Donc il était absent. Pendant son absence, alors, pendant une durée de 40 jours, eh ben son peuple, Banu Israël ont pris ce veau d'or comme adoré en dehors d'Allah. Et c'est cet homme, Samiri, qui était égaré et qui a égaré. Kana dal fa adal. Lui-même s'est égaré et il a égaré les autres en les appelant, en leur insufflant, en leur suggérant d'adorer le veau d'or. C'est là qu'ensuite, lorsque Moussa reviendra, il va réprimander Haroun, il va réprimander son frère, il sera en colère, il lui dira comment est-ce qu'il a pu laisser cela. Et ensuite, son frère, lui, Haroun, lui expliquera la situation. Regardez, en l'espace de ce laps de temps, l'absence de Moussa, il a laissé son peuple, regardez, alors qu'il les a menés vers l'adoration du Seigneur, vers l'adoration d'Allah, lui, il va chercher les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce temps, ils ont adoré une divinité et sont tombés dans le polythéisme, dans le shirk. Dans le shirk. Et ça, c'est une histoire qui est répétée dans le Coran, l'histoire de Moussa. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la comprendre. Nous, on l'a dit en quelques minutes, sinon il y a de nombreux épisodes, il y a de nombreux détails concernant cette histoire. El-Muhim, là maintenant, pour bien comprendre la question relative à l'attribut de la parole, regardez ce que va nous dire Cheikh ensuite. فَالَّذِي لَا يَتَكَلَّمْ لَا يَصْلُحَ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا كَيْفَ يَكُونَ إِلَهًا وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمْ وَلَا يَأْمُرْ وَلَا يَنْهَا وَلَا يُدَبِّرْ تَعَالَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ. C'est pour cela que Cheikh ensuite dit, cette divinité fausse, ce veau d'or, il ne pouvait parler, ne pouvait pas parler. Donc il ne parlait pas. Il ne pouvait ni nuire, ni accorder profit. Et ça, donc Cheikh nous dit, celui qui est muet, qui ne peut pas parler, qui n'a pas la capacité de pouvoir parler, il ne convient pas qu'il soit l'adorer et qu'il soit le Seigneur. Pourquoi ? Il n'a même pas la capacité de parler. Ni il peut parler, ni il peut ordonner, ni il peut gérer et administrer les affaires de cet univers. Comment peuvent-ils prendre des adorés en dehors d'Allah parmi ceux qui ni ne parlent, ni ne peuvent proférer des paroles ? Cela indique quoi ? Cela indique que le Seigneur, le véritable adoré, Allah Jalla wa Ala, lui parle. Contrairement aux fausses divinités parmi les statues, parmi par exemple ces divinités qui ont été adorées, par exemple le veau d'or, ne peuvent point parler. Regardez aussi, il va faire référence aussi à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsque son peuple adorait des statues. Ils adoraient des statues et Ibrahim disait, elles ne peuvent même pas parler, ces statues. Et ces statues-là, ces idoles-là, ces fausses divinités-là, ne pouvaient ni parler, ni se défendre elles-mêmes. Et il essayait justement de les faire revenir à la raison. Comment pouvez-vous adorer ces idoles et ces fausses divinités qui ne peuvent ni se protéger, se préserver, se défendre, et ni elles ne peuvent parler et communiquer avec vous? Comment pouvez-vous leur vouer adoration? Et bien, contrairement à ces fausses divinités, Allah Jalla wa Ala, lui est celui qui parle. Subhanahu wa ta'ala. Il est celui, alladhi ya'mur, celui qui ordonne, qui commande. Wa yanha, celui qui interdit. Alladhi yudabbir, celui qui administre et commande toutes les affaires de cet univers. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il y a une grande réfutation en cela envers les négateurs des attributs d'Allah, en l'occurrence de l'attribut de la parole, et envers ceux aussi qui ont fait preuve d'interprétation, qui ont voulu interprétation, et ils ont abouti à la fin à nier en réalité l'attribut de la parole. Le fait d'affirmer l'attribut de la parole, c'est affirmer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui ne parle pas, l'inverse, hein, et le contraire de parler, c'est quoi? C'est le fait d'être muet. Et le fait d'être muet, ça c'est une imperfection. Ça c'est une imperfection. On ne peut l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que on dit que ce sont des sifats, des attributs de perfection. Pourquoi ? Parce que tous les attributs d'Allah Jalla wa'ala sont des attributs de perfection. Les affirmer, c'est affirmer la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih al-kalam ? Donc on continue. C'est pour cela qu'on voit aussi, et on s'est arrêté hier aussi, lorsqu'on avait dit donc, aussi bien le Coran, parce qu'ensuite on avait parlé des livres descendus et révélés, des livres révélés, on avait dit que aussi bien le Coran, et comme les autres livres révélés, étaient la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Shir nous explique ici que lorsque Allah Jalla wa ala a parlé à Moussa, eh ben c'est d'une, c'est-à-dire ce, enfin Moussa a réellement et véritablement entendu la parole d'Allah, véritablement. C'est une parole véritable. Lorsqu'Allah Jalla wa ala s'est adressé à Moussa, c'est d'une parole véritable et réelle que Moussa alayhi salam, le prophète, a réellement entendu. Donc Moussa sami'a kalam Allah. Moussa a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien en cela de métaphorique, ce n'est pas une métaphore, il n'y a pas d'autre sens à comprendre, c'est qu'Allah Jalla wa ala s'est adressé à Moussa véritablement et que Moussa a entendu véritablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on avait dit aussi, et les autres livres révélés qui ont précédé le Coran, comme At-Torah ou Al-Injil, font partie des livres révélés, et c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants ont dit que la parole d'Allah n'a ni de début ni de fin, et donc elle n'est pas limitée. La parole d'Allah, Jalla wa ala, il n'y a pas de limite, contrairement aux paroles des créatures. La parole des créatures, des êtres, eh ben, ont un début et une fin. Les êtres, leurs paroles, contrairement à l'attribut d'Allah Jalla wa ala, la parole des êtres humains, des créatures, ont un début et une fin. Ils sont donc alors limités. Ils sont donc limités. Regardez ce que va nous dire ici Ash-Shir dans le commentaire. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب قال الله جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فدل على أن الله جل وعلا يكلم عباده وأما الذي لا يكلم فهو جماد وإبراهيم عليه السلام قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فدل على أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها ولا يلزم من إثبات صفة الله جل وعلا أو صفة لله مشابهة للمخلوقين فأسماء الله وصفاته لا تشبه أو لا تشبه صفة خلقه وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه وكلامه لا يشبه كلام خلقه وصفات المخلوقين تليق بهم وصفات الله تليق به فهناك فرق بين هذا وهذا وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله أن القرآن كلام الله وكذا الإنجيل وكلام الله والتوراة كلام الله وكلامه أكثر من هذا وهو ليس بمخلوق كما قلنا كما تقول الجهمية لأنه لو كان مخلوقا فالمخلوق يفنى ويبيد فعلى هذا فالقرآن يبيد والقرآن لا يفنى ولا يبيد وكذا سائر كلامه سبحانه وتعالى. Donc là ensuite, on a lu lorsque Cheikh nous explique donc, regardez, il nous a donné l'exemple, comme on l'a dit précédemment, avec Ibrahim alayhi salam. De même, lorsque Saint-Méry avait façonné le veau d'or et avait dit à Banu Israël de l'adorer, Allah Jalla wa Ala avait dit dans le verset du Coran, dans le verset 148 de Surat al-A'raf, Allah avait dit « Alam yaraw annahu la yukallimuhum » Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'il ne peut leur parler ? C'est-à-dire ce veau d'or ne peut s'adresser à eux « Wala yahdihim sabila » et ni ne peut les guider dans le droit sentier, dans le droit chemin. N'ont-ils pas vu cela ? Que ce veau d'or ne peut ni les guider, ni ne peut s'adresser à eux. Et donc, on comprend bien que là, c'est une sorte, ici, de blâme envers Banu Israël du fait qu'il faut qu'il revienne à la raison. Et le vrai Seigneur, lui, peut s'adresser et parler à ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'ensuite, comme on a dit précédemment, Cheikh ici cita aussi le verset lorsque Ibrahim dit à son père, « Ya Abati, ô mon père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui peut ni entendre, ni voir ?» et qui te sert à rien. Pourquoi adores-tu ces idoles ? Ni elles entendent, ni elles peuvent voir, et ni elles peuvent accorder un profit. Alors, ça prouve que toutes ces fausses divinités, il ne convient pas qu'elles soient adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ensuite, les savants disent que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas limitée. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas limitée contrairement à la parole des êtres. Et regardez dans un verset, Allah, Jalla wa Ala, nous dit, si la mer était une encre, c'est-à-dire pour écrire, les paroles de mon Seigneur scellent la mer, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Et dans un autre verset, Allah, Jalla wa Ala, dit, quand bien même tous les arbres de la terre se chargeraient, ou plutôt se changeraient en qalem, en sorte de plume, pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, ou confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. C'est-à-dire, les paroles d'Allah ne sont pas limitées, elles ne s'épuisent point. Allah est éternel et son attribut est éternel, c'est-à-dire sans début, sans fin. L'attribut n'a ni de début, ni de fin, comme Allah Jalla wa Ala n'a ni de début de commencement, ni de fin, subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux versets qu'on vient de dire, elles établissent l'attribut de la parole qui est décrite, comme les savants le disent, comme illimitée. Comme illimitée, elle ne s'épuisera pas quand bien même les mers seraient multipliées pour servir d'encre et que tous les arbres de la terre seraient des qalam, des sortes de plumes. Les mers et les arbres s'épuiseraient, mais la parole d'Allah Jalla wa Ala ne s'épuiserait point. Pourquoi ? Parce que les arbres et les mers sont créés, font partie de la création. Ils font partie des créatures, de la création. Or, la parole d'Allah ne s'épuise jamais car elle est incréée. Ça, la différence. Alors que les mers, les océans et les arbres s'épuiseraient, pourquoi ? Parce que ça fait partie de la création d'Allah. Or, la parole d'Allah n'est pas créée. Et c'est pour cela donc qu'on a appris que aussi bien le Coran que la Torah, l'Évangile, relèvent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait appris aussi, pour terminer ce sujet, donc Allah s'est manifesté à la montagne. Qu'est-ce qui s'est produit ? La montagne s'est pulvérisée. La montagne, lorsque Moussa voulait voir son Seigneur, et lorsqu'Allah apparut, la montagne s'est pulvérisée en poussière. Pourquoi ? Devant la magnificence d'Allah et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même la montagne n'a pas pu supporter. Et ça, on avait dit que ça indique, éprouve l'immensité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le Cheikh nous avait évoqué le verset, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, c'est la traduction relative du verset, Allah dit, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, et dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi, pour que je te voie, que je puisse te voir. Et Allah Jalla wa Ala lui dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsqu'Allah Jalla wa Ala se manifesta au mont, alors il se pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Moussa est tombé foudroyé et lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi. À toi je me repens et je suis le premier des croyants. Voilà pour, en ce qui concerne, l'attribut de la parole. Ensuite, l'auteur dit, après qu'il ait dit, et donc hier on avait conclu avec la parole de l'auteur qui dit, وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِدْ وَلَا صِفَةٍ لِمَخْلُوقٍ فَيَنْفَدْ. On avait terminé avec la parole, donc le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé car il serait périssable et n'est pas l'attribut d'une créature car il serait éphémère. Donc là c'est une très belle parole de l'auteur. Vous savez ça? C'est des paroles qu'il faut mémoriser. Là, l'auteur Ibn Abi Zayd nous résume la croyance des gens de la Sunna et il simplifie et nous résume cela. Et comme on avait hier mentionné des paroles de grands imams de la communauté qui confirment cela, que Allah Jalla wa Ala, on affirme l'attribut de la parole et que le Coran, c'est la parole d'Allah, il est incréé. Et comme dit comme c'est attribué aussi à Cheikh Sam Temiya, lorsque Cheikh Sam Temiya aussi il le dit, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karim al-munzal wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Vous avez vu? Et dit wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati as-sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa hakadha. ثم قال المصنف والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا. Après cette question très importante, l'auteur maintenant va parler de la foi en la prédestination, la foi ce qu'on appelle al-qadr, du bien et du mal, il dit, de ce qui est agréable comme de ce qui est contrariant. Traduction relative. De ce qui est bon ou bien de ce qui est mal ou bien de ce qui est. Aussi il dit khayri wa sharri wa hulwihi wa murri. Ce qui est bon et même ce qui est amer. Tout cela a été prédestiné par Allah. Kullu dhalika qad qaddarahu Allahu rabbuna, il dit. A été prédestiné par Allah, notre Seigneur. Donc, dans le commentaire, قال الشيخ والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر يقول الشارح هو ما قدره الله وقضاه. Premièrement, maintenant, l'auteur fait allusion à une question très importante, la croyance au destin, au décret d'Allah, à la prédestination, si vous voulez. Et là, dans la définition, Al-Sheikh nous explique que Al-Qadr, c'est quoi? On peut définir d'une manière très simple. Il dit, huwa ma qaddarahu Allah. C'est ce qu'Allah a décrété, ou, on va dire de la sorte, c'est ce qu'Allah a prédestiné et décrété et ce qui a été consigné dans l'Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée ou bien préservée. Donc il nous dit, qu'est-ce que Al-Qadr? Al-Qadr, huwa ma qaddarahu Allah wa qadahu wa katabahu fi Lawh al-Mahfouz. C'est ce qu'Allah Jalla wa Ala a prédestiné et décrété et consigné fi lawhil mahfouz, Voilà, en ce qui concerne ce que nous explique Shir en séance al-Qadr. Ensuite, il va réitérer ce qu'on avait déjà mentionné, Maratib al-Qadr. Maratib al-Qadr. On avait déjà expliqué que pour croire maintenant et bien croire au destin, il faut croire ici aux quatre Maratib. Maratib, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les différents degrés. Les différents degrés. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que les savants nous disent que le destin, la croyance au destin, comporte quatre degrés auxquels il faut impérativement croire. Pour bien croire au Qadr. Et comme on avait dit, déjà, dans les cours précédents, on avait dit que la croyance au Qadr, donc, fait partie des piliers de l'Iman. C'est-à-dire qu'on ne peut être mu'min sans croire au Qadr. Et c'est pour cela que lorsqu'on avait parlé de la célèbre histoire, lorsque des hommes d'Irak sont venus à l'époque de Abdallah ibn Omar, et lorsqu'ils lui ont dit justement, ils lui ont parlé de ces gens en Irak qui reniaient le destin, Allah, Abdallah ibn Omar, on avait dit en l'occurrence, il faisait allusion ici à Ma'abed al-Johani, qui était en Irak à l'époque et qui faisait partie des négateurs. Il niait le destin et la prédestination. Et de ce fait, c'est, on avait dit deux hommes, un qui s'appelait Yahya ibn Ya'mur et Humayd ibn Abdurrahman, ont fait ce voyage, ils ont profité pour accomplir le pèlerinage, le grand ou bien le petit, et lorsqu'ils rencontrèrent Abdallah ibn Omar, ils lui firent part de ces paroles de Ma'bad al-Juhani et ses adeptes, ses disciples, ceux qui niaient le destin. Et de là, c'est là qu'il leur répondit Abdallah ibn Omar, quand tu rencontreras ces personnes, informe-les que je n'ai rien à voir avec elles et qu'elles n'ont rien à voir avec moi. C'est-à-dire, je me désavoue d'eux et je suis innocent d'eux. Il leur dit, par celui au nom de qui Abdallah ibn Omar jure, si l'un de posséder l'équivalent d'Uhud en or, puis qu'il le dépensait, Allah ne l'accepterait pas de sa part jusqu'à ce qu'il croie au destin. Et ça, c'est pour bien réinciter sur l'importance de croire au destin. Ensuite, c'est là qu'il narra et raconta le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith célèbre de Jibril. C'est pour ça que ensuite Shir va nous mentionner des versets concernant, vous allez après qu'il va nous mentionner les quatre maratib al-qadr qu'on va énumérer, hein, qu'on va expliquer inshallah. Il va mentionner des versets concernant la croyance au qadr. Comme Allah dit, nous avons créé toutes choses avec mesure, c'est-à-dire avec décret. Avec décret. Et Allah dit dans un verset, traduction relative, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. C'est-à-dire en dehors de ce qu'Allah Jalla wa'ala a décrété pour nous. Dans un autre verset, Allah Jalla wa'ala, traduction relative du sens du verset, Allah dit, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne sont enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Et certes aisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a le célèbre, illustre compagnon de Abdallah ibn Abbas, un grand imam parmi les successeurs des compagnons du prophète, qui s'appelait Taous, qui est une référence dans la science du tafsir. Il disait, j'ai connu des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disaient, toute chose est prédestinée. Toute chose est prédestinée. Et il dit, j'ai aussi entendu Abdallah ibn Omar dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chose est prédestinée, même l'incapacité et la vitalité, ou bien la vitalité et l'incapacité. Tout cela est décrété. Et c'est pour cela qu'ils ont dit que aussi bien l'incapacité et la vitalité, c'est des choses opposées, qui sont contraires, et sont tous prédestinés par Allah Jalla wa Ala, comme cela est mentionné dans le commentaire d'un des hadiths. Taïb. Alors, maintenant, on va revenir au maratib al-iman, ou plutôt le qadr, plutôt, les degrés du qadr. Al-Sheikh nous dit, maratib al-iman bil-qadr, bil-qada'i wal-qadr, arba. Donc, il y a quatre degrés. Pour bien croire au qadr, il faut croire en ces quatre choses qu'on va citer. Il dit al-martabatul ula, le premier degré, martabatul ilm. Wa ya anna Allah alima kulla shay, بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به دائما وأبدا، علم ما كان وما يكون. علم الله جل وعلا ما كان وما يكون. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب في لوح المحفوظ كل ما جرى ويجري إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدر في وقته فإنه يوجده سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاءه ولا يقع. والمرتبة الرابعة الإيجاد والخلق، فالله خالق كل شيء، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا الله خالق كل شيء، فالله الخالق جل وعلا خلق كل شيء مما كان ومما يكون. وهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ومن جحد واحدة منها فقد كفر. ومن جحد واحدة منها، يقول الشيخ، فقد كفر. Maintenant, je vous ai lu les, on a lu les quatre maratib, on va les expliquer brièvement. Le Cheikh nous dit alors, pour croire au destin, il faut croire à ces quatre degrés. Le premier degré, c'est quoi? C'est de croire en ce qu'on appelle la science. Le premier degré, elle est ilm, la science, c'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, sait tout. Allah a la connaissance de tout. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et à savoir, il faut comprendre que cela depuis toujours. Depuis toujours. Allah sait et connaît tout. Et rien ne se produit sans qu'il en ait eu connaissance au préalable. Et ce, depuis toujours. Et ce, depuis toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le degré lié à ce qu'on appelle ilm. Al-ilm. Et ça, on l'avait expliqué dans ce qui a précédé. On l'avait expliqué là, la fois dernière, parce qu'on les a déjà mentionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la science d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans qu'Allah le sache. Et sans qu'Allah l'ait su, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tout ce qui se produit dans cet univers, Allah jalla wa ala l'a su. C'est pour cela qu'avant même que ces choses prédestinées se produisent, Allah jalla wa ala en avait la connaissance. C'est pour cela qu'ensuite, tout a été consigné fi lawh al-mahfouz, dans la table bien gardée, préservée. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans cet univers a été consigné et inscrit dans la table bien gardée. Pourquoi ? Parce qu'Allah jalla wa ala en avait connaissance. Allah a toujours su. Et il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe, jalla jalaluhu. Et ça n'empêche pas qu'Allah jalla wa ala vous a laissé le libre arbitre. C'est-à-dire, vous avez le choix de choisir en ce qui est bon ou mauvais. Choisir la droiture ou le mauvais chemin. Mais Allah jalla wa ala savait ce que vous allez choisir. Si vous allez choisir le bon chemin ou bien le mauvais chemin, Allah jalla wa ala a su cela. C'est pour cela que cela, on dit, est déjà inscrit. Et si vous voulez, et si vous choisissez le droit chemin, Allah va vous simplifier et vous faciliter le cheminement sur ce droit chemin. Par contre, celui qui n'accepte pas la vérité, comme on va le voir ça, celui qui n'accepte pas la vérité, il sera éprouvé par l'acceptation du faux. Et donc il sera égaré par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous choisissez, et Allah vous a donné la capacité de pouvoir choisir. Si vous choisissez le bien, Allah va vous faciliter ce bien et le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah dit « Yahdi man yasha ». Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Et celui qu'Allah guide, tu ne pourrais l'égarer. Et par contre, celui qui n'accepte pas la vérité et a un goût à l'errance, « فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » Lorsqu'ils se sont égarés, Le mazarou, hein, ils ont eu un goût à l'errance, alors Allah Jalla wa'ala a égaré leur cœur. Leur cœur a erré. Donc celui qui choisit lui l'égarement et ne veut pas accepter la vérité, alors il sera égaré. Donc Allah Jalla wa'ala, lorsqu'on croit au qadar, il faut croire qu'Allah Jalla wa'ala a toujours su. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, ensuite, c'est ce qu'on appelle Al-Kitaba, l'écriture. Ça consiste à croire que Allah a tout écrit dans la tablette bien gardée. Et cela, comme on avait déjà dit, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, eh bien, tout a été consigné. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, justement, l'a dit dans un récit, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tout a été inscrit comme on vient de le stipuler et de l'expliquer. Le troisième degré, c'est ce qu'on appelle al-mashi'a. Al-mashi'a. La volonté. La volonté, c'est que Allah a voulu tout ce qui se produit. Tout ce qui se produit dans cet univers, c'est le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se produire dans le royaume d'Allah sans qu'Allah l'ait voulu. Allah, jalla wa ala, il n'y a rien qui se produit dans cet univers sans qu'Allah, jalla wa ala, l'ait voulu. Et c'est pour cela que croire en cela nécessite qu'Allah a voulu. Tout ce qui se produit, toute chose existe par la volonté d'Allah. Ça, c'est notre croyance. C'est-à-dire que toute chose existe par la volonté d'Allah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Time. On termine brièvement. Donc on est arrivé au troisième degré, donc la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Donc Cheikh nous dit مرتبه المشيئه وهي ان الله اذا شاء ايجاد هذا المقدر في وقته فإنه يوجده سبحانه وتعالى فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاء ولا يقع. Dans ce troisième degré, ce qu'il faut comprendre, on doit croire que Allah Jalla wa Ala a voulu tout ce qui se produit dans cet univers, dans son royaume. Toute chose existe donc par sa volonté. Toute chose dans cet univers existe par sa volonté. Et rien n'échappe à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous savez qu'Allah dans le Coran dit que lorsqu'il veut une chose, il dit kun fayakun. Il décide d'une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kun fayakun. Et les savants justement, lorsqu'ils ont mentionné ces questions-là, ces degrés-là, relatives à la question à la prédestinée, au qadr, c'est pas en vain. C'est pas en vain, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu, on a encore dit hein, dans l'histoire des musulmans, lorsqu'il y a eu justement l'apparition de ces doctrines et de certaines doctrines qui ont eu recours à ce qu'on appelle la théologie spéculative, justement, eux ont nié des choses. On niait des choses faisant partie de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont commencé à spéculer, c'est ce qu'on a appelé la spéculation dogmatique, à spéculer au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, donc ils ont abouti à des conclusions gravissimes. À des conclusions gravissimes. Et c'est pour cela qu'il y avait des conclusions qui étaient en tout à fait désaccord avec les enseignements des compagnons et des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que ce n'est pas en vain, l'auteur, ce qu'il mentionne ici, c'est qu'il enseigne la croyance pure et saine qui était propagée au temps des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces convictions qu'avaient les compagnons du prophète, qu'ils avaient appris auprès du prophète, alayhi salatu wa sallam, et en même temps, il réfute ici des tendances et des doctrines hérétiques. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, lorsqu'il va parler de la prédestinée, l'auteur, donc il dit, il y a aussi la foi en la prédestination, qadr, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire que ce qui se passe dans cet univers, que ce soit bon ou mauvais, rien n'existe. Rien n'existe dans cet univers sans la volonté, si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a une sagesse, al-hikmah, en toute chose. Il y a une sagesse immense. Par exemple, dans la création d'Iblis, il y a une sagesse. Les épreuves que peuvent connaître les individus et les créatures dans cette vie d'ici-bas, il y a une grande sagesse derrière tout cela. Tout cela. Et c'est pour cela que, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire... Tout cela a été prédestiné par Allah, notre Seigneur. وَمَا قَدِرُ الْأُمُورُ بِيَدِهِ وَمَزْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهِ عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهِ فَجَرَى عَلَى قَدَرِهِ لَا يَكُنْ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلْمُ بِهِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Regardez ce qu'il dit. Il dit « La disposition des choses est entre ses mains et leur survenance tient de sa décision. » De sa décision. « Il a su toute chose avant son existence, laquelle se produit selon cette connaissance. Aucune parole ni aucune action n'émane de ses créatures sans qu'il ne l'ait décidé et que sa connaissance ne l'ait précédé. » Il dit « Ne sait-il pas en effet ce qu'il a créé, c'est-à-dire Allah, ne sait-il pas Allah Jalla wa'ala ce qu'il a en effet créé, alors qu'il est le, je vais rester sur le terme en arabe, wa huwa al-latifu al-khabir. Donc rien ne se passe dans le royaume d'Allah sans sa volonté. Que ce soit les bonnes choses, ou que ce soit les mauvaises choses. Et dernièrement, le quatrième degré, à savoir qu'il faut croire qu'Allah est le créateur de toutes choses. Allah a tout créé. قال الشيخ هنا مرتبة الإيجاد والخلق فالله خالق كل شيء كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Allah a tout créé et on a donné pour toutes ces choses une mesure, c'est-à-dire il a tout décrété subhanahu wa ta'ala. Et même dans un verset Allah nous dit والله خلقكم وما تعملون. Allah vous a créé même ce que vous faites. Allah vous a créé même vos actions. Allah Jalla wa'ala est le créateur de toutes choses. Et pour bien croire au destin, au qadr, qui fait partie des pieds de l'Iman, il faut croire d'autres en ces quatre. apprenez-les par cœur. Donc, al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, al-khalq, al-ijad. Quatre choses, tout simplement. وهذه الأربعة من مراتب القدر من مراتب الإيمان بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد والخلق هذه أربعة من مراتب القدر مثلا par exemple celui qui ne croit pas au premier المرتبة الأولى العلم لا يؤمن بالعلم فهذا ليس بمؤمن بالقدر فليس بمؤمن. Celui qui ne croit pas en degré de ilm, فليس بمؤمن. Du fait qu'il n'a pas cru au qadr, pour croire au qadr, il faut croire en ces quatre choses-là. Il faut croire en ces quatre choses-là. Celui, par exemple, qui ne croit pas martabat al-ilm, فليس بمؤمن. أو لا يؤمن بمرتبه الكتابه ان الله كتب كل شيء في لوح المحفوظ فليس بمؤمن. لماذا؟ لانه جحد مرتبة من مراتب القدر parce qu'il a renié une chose qui fait partie du qadr et renier le qadr c'est renier l'iman pourquoi parce que ça fait partie des piliers de l'iman et inshallah نكتفي بهذا القدر ونكمل الكلام في يوم غد بإذن الله وبحول الله جل وعلا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك